Alors, initialement, je ne devais pas. C'est Isabelle Rivet, la directrice du musée, qui devait faire une conférence. Donc, je n'ai pas choisi le titre, mais j'ai essayé de m'insérer dedans. Donc, je vous prie de l'excuser parce qu'elle avait d'autres obligations. Alors, j'ai mis en exergue une citation que je trouvais d'à propos de Pierre Cize, que en fait la résistance c'était à l'origine une conspiration de brasserie. Parce qu'effectivement, si on regarde le témoignage, c'est un peu violent de dire ça, mais la résistance est née dans les cafés. Je ne sais pas si les résistants seraient d'accord avec ça, mais bon, en tout cas, c'est. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Lucie Aubrac et d'autres parlent de la naissance de la résistance dans des cafés. Alors, je m'occupe effectivement de collecter des archives et des collections au CHRD. Donc, ma proposition sera peut-être moins académique que ce que vous avez l'habitude d'entendre. Je voudrais justement axer mon propos sur des pièces d'archives ou des collections qu'on m'a apportées dans le cadre professionnel. Pour explorer les lieux, les cafés, les restaurants. Parfois, on m'amène des archives et en fait, on pourrait écrire un livre sur chaque pièce d'archive, sur chaque collection. Parce qu'il faut collecter l'objet ou l'archive et il faut collecter la parole du donateur, la parole transmise par lui de ses parents. À quoi a servi l'objet, à quoi a servi l'archive, par qui il est passé, etc. Donc c'est tout un travail et nous, dans le cadre d'un musée, ça nous sert à les décrire lorsqu'on fait une exposition. À titre d'exemple, deux attestations, a priori simples, banales, l'une signée par le lieutenant-colonel Jaboulet, qui est quelqu'un de très connu, compagnon de la Libération. En fait, il parle d'une personne qui est complètement inconnue, Madame David, Café Antoinette à Lyon. Ce lieu, avant d'avoir ces attestations, je ne le connaissais pas. Et pourtant, c'est un lieu incroyable où il se passe plein de choses pendant la guerre. Aujourd'hui, il ne ressemble plus à grand-chose. Ce Café Antoinette, c'est un bâtiment rue Gutenberg avec une peinture... dessus. Alors je vous ai mis une carte pour le situer. C'est très près du quartier qu'on évoquait tout à l'heure sur l'Algérie. Hein. On voit la rue Chaponnet. C'est vraiment ce quartier. Et c'est un lieu en fait où, comme on l'a vu dans la diapo précédente, où se croisent des résistants. Madame David, complètement inconnue, qui a aucune, à ma connaissance, aucune médaille de la résistance. Elle n'est même pas compagnon volontaire de la résistance. Elle a hébergé des résistants au péril de sa vie. Elle les a nourris pendant des semaines. On la voit ici devant son café, pris en 41. Et en fait, c'est un universitaire de Lyon qui m'a mis sur la piste. En fait, il y a plein de références dans la littérature résistante sur ce café. C'est Edgar Pich, si vous le connaissez, qui m'a mis sur cette piste. Je vous en citerai une ou deux. Par exemple, Joseph Rovan, des Amitiés chrétiennes. J'avais fait la connaissance de quelques journalistes de Paris Soir, repliés à Lyon. Ils déjeunaient tous les jours dans un bistrot agréable, peu cher et bien fourni, près du pont, sur la rive gauche du Rhône, et je vins régulièrement partager leur repas. Très vite, je m'aperçus que les uns et les autres, nous étions presque tous engagés dans les activités de la résistance. C'est-à-dire que dans ce café, effectivement, c'est quelque chose que j'ai découvert. Il était réservé à Paris Soir, replié à Lyon pendant la guerre. Ce café, en fait, il y avait tout le personnel de Paris Soir qui allait y manger, et il y avait d'autres personnes. En fait, il y avait plein d'intellectuels repliés à Lyon, ou des intellectuels à venir, futurs. Il y avait le philosophe Jean Beaufray, par exemple, ou Edgar Naoum, qu'on connaît. On reconnaît aujourd'hui sous le nom de Edgar Morin, sociologue, philosophe, intellectuel, toujours vivant, je crois qu'il est centenaire, 103 ans, voilà. Les journalistes Louis et Simone Martin-Chauffier de Libération Sud, hein, le mouvement de résistance de Lucie Raymond Aubrac, les journalistes de Paris Soir et de Marie-Claire, Henri Roland et Didier Limon, l'écrivain Jean Prévost et également de Paris Soir, René Tavernier, le père du cinéaste, enfin je pourrais en citer de nombreux. Et je vais juste citer Edgar Morin dans Mon chemin. J'ai donc rejoint les forces unies de la jeunesse patriotique et je me suis lancé dans la distribution de tracts. Dans un restaurant privé, Antoinette, réservé aux journalistes de Paris Soir et qui s'était transformé en nid de résistance, j'ai fait la connaissance de Camus. Oui, on ne sait pas, mais Camus en 40 était à Lyon. Il s'est d'ailleurs marié à la mairie du 2e arrondissement en décembre 1940. J'ai fait la connaissance de Camus, de Martin Chauffier, de Jean Prévost, de Roger Stéphane. Je me souviens que Jacques-Francis Roland, Victor Henry et moi, et à Lyon, affamés, à la sortie du restaurant universitaire dont les plats étaient dénués de matière grasse, nous mettions à la table de Georges Séquerès, Didier Limon et leur compagne, et nous gardions les yeux rivés sur leurs assiettes jusqu'à ce que l'un d'eux, apitoyé, nous laisse terminer son plat. Ceci pour dire que ce mêle-là des rencontres de résistance, ce mêle des histoires de danger, ce mêle de la pénurie, parce que voilà, il y a la pénurie à cette époque, on a faim, et en particulier les étudiants. Ça me permet d'évoquer cette pénurie, un autre objet, est-ce que l'un d'entre vous le reconnaîtra ? Je ne sais pas. C'est un objet qu'on n'a plus l'habitude d'utiliser, du moins sous cette forme. C'est un moulin à café. C'est une personne nous a contacté il y a quelques années maintenant au musée pour nous dire « Ah, j'ai le café de restaurant de la gare de Lyon tenu par mes parents, est-ce que ce moulin à café vous intéresse ?» À l'époque, on se dit, le moulin à café de la gare de Lyon, qu'est-ce qu'on va en faire? En même temps, on préparait une exposition sur l'alimentation pendant la guerre. On s'est dit, ça pourrait être utile. Et quand j'ai été le chercher à Chambéry, quelle fut pas ma surprise de savoir que c'était le moulin à café du restaurant de la gare de Lyon-Est. C'est une gare de Lyon-Est qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui se trouvait à proximité des archives départementales où on était hier, à une centaine de mètres des archives départementales. Il y avait la gare de Lyon-Est et puis les parents de la donatrice tenaient ce restaurant et étaient engagés dans les activités de la résistance. Je le situe à peu près, le restaurant, le point rouge là que vous voyez sur la carte, vraiment tout près des archives départementales, et son père était engagé dans la résistance. Résistance faire, également un réseau de renseignement qui s'appelait le réseau Corvette. Et le moulin à café servait, en fait, comme il y avait une pénurie de café, il ne servait plus, il était dans la cuisine, le moulin à café. Et le stratagème, c'était qu'un résistant arrive, dise bon, je voudrais aller me laver les mains dans la cuisine, et puis il déposait un message, il faisait du renseignement, il collectait du renseignement, éventuellement sur les trains, la présence allemande, etc. Et il déposait un message dans le moulin à café qui ne servait pas, et un autre le récupérait pour transmettre les informations à Londres sur les mouvements de train, mouvements de troupes, etc. Et c'est vrai qu'une gare, et en particulier cette gare, c'est un peu les résistants dans la gueule du loup, c'est-à-dire qu'il y avait un dépôt militaire allemand juste en face, les militaires... était dans ce restaurant, mais il y avait des gens qui allaient à la campagne chercher des ressources, il y avait les résistants, et tout le monde se croisait de manière un peu anonyme dans ce restaurant, dont on a une photo ici prise avant la guerre, je pense. Un troisième lieu que j'évoquerai, c'est le toujours dans le même quartier finalement, c'est le Café Jutard, place Jutard aujourd'hui. Ça devait être la place Raspail, hein, il me semble, pendant la guerre. Jutard, c'est une figure importante de la résistance lyonnaise. C'est un résistant, bon, on dit plus aujourd'hui cette expression, mais c'est un résistant de la première heure, hein, Jutard. Et j'avais lu aux archives départementales, dans le fonds 31J, au comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, je vous cite, le 14 juillet 42, lors de la manifestation de la rue de la République à Lyon, Antonin Jutard défile en compagnie de Ferdinand Rivière, de Jules Boursier, coiffé d'un chapeau de paille arborant la couleur nationale. Comme ses camarades, il est arrêté, emprisonné quelques jours et finalement relâché. Alors Jutard est franc-maçon, revendiqué, comme Ferdinand Rivière, et puis Boursier, lui, rentrera en franc-maçonnerie en 1949, après la guerre. Antonin Jutard, comme je vais l'expliciter, ne sera plus là parce qu'il aura été assassiné. Or, dans les archives du musée, alors je me suis rappelé d'une photo qu'on avait, après avoir lu cette archive, c'est cette photo-là. C'est-à-dire, ça a été assez surprenant, c'est que j'avais un élément qui vient des archives, et puis une réalité photographique, noir et blanc, mais colorisée par le photographe. Et plusieurs éléments m'ont dit que c'était lié, parce que le photographe a signé, or le photographe habite à la même adresse que Antonin Jutard, au 1 courant Beta, et en plus il est également franc-maçon. Donc la preuve est faite. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a quelques mois, je suis intervenu pour France 3 pour parler d'Antonin Jutard, et puis j'ai dit, j'ai cette photo un petit peu marrante, je trouve, mais je ne sais pas lequel des trois qui se ressemblent quand même, et Antonin Jutard. Et puis là, le lendemain, il y a la famille qui m'a contacté pour me dire lequel il était, me fournir une photo d'Antonin Jutard, etc. Voilà, Antonin Jutard, franc-maçon. Alors, ils le revendiquaient. Mais la franc-maçonnerie, contrairement à ce qu'on croit, n'était pas cachée avant la guerre, moins qu'aujourd'hui. Là, il y a une attestation d'Antonin Jutard. Là, vous voyez le temple maçonnique, qui est une carte postale de la rue Garibaldi. Il y a des symboles maçonniques dessus. Tout le monde sait que c'est le temple maçonnique. Donc, les francs-maçons ne se cachaient pas. Il y avait même souvent leur programme dans le journal. Donc, Antonin Jutard ne se cachait pas. Seulement, Antonin Jutard, beaucoup de francs-maçons pendant la guerre ont été fichés par le service des sociétés secrètes. C'est un fichage assez complet quand même. Il y a son adresse, il y a tout son parcours maçonnique, tous ses prénoms, etc. Et bon, il est assassiné par la milice. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas la milice qui l'a assassiné. Cependant, il sera tout de même assassiné. Alors, dans le café de Jutard, naît par exemple l'un des trois grands mouvements de résistance de zone sud. Il y a Libération Sud, Combat, et le troisième grand mouvement de résistance de zone sud, c'est Franc-Tireur. Et Franc-Tireur naît dans plusieurs cafés lyonnais, dans le café de la Poste, le café du Moulin Joly, mais également chez Jutard, où se réunissent des personnes politiques de bord assez différents. Il y avait Noël Clavier, Georges Vasseur, Jean-Jacques Soudet, Auguste Papon, beaucoup de francs-maçons proches d'Édouard Herriot, Fernand Lombard, Maurice Roland, etc. Auguste Pinton nomme érotiquement ses réunions la belote, les parties de belote. Et une partie des joueurs va fonder France Liberté, puis l'autre partie continuera à jouer à la belote. Progressivement, ce cercle informel de joueurs se structure et prend le nom de France Liberté, qui crée dès novembre 40 son journal Franc-Tireur. Donc on distingue les mouvements et les réseaux, ce sont des choses en résistance, ce sont deux choses différentes. Et chaque mouvement a un journal dans lequel il véhicule ses idées, de gauche, de droite, etc. Et chez Jutard, il y a aussi beaucoup de francs-maçons, notamment des imprimeurs. Et le premier imprimeur de Franc-Tireur, ce sera Henri Chevalier, qui habite 40 cours de la Liberté, très à côté de ce café Jutard et de Georges Dunoir. Alors, Chevalier est dans la même loge maçonnique que Jutard, là qu'on voit bienfaisant ses amitiés, Grand Orient de France. Voilà, et Chevalier accepte d'imprimer Franc-Tireur. Au bout de quelques temps, quelques mois, comme ça arrive souvent, il y a des dissensions au sein du mouvement, et Chevalier ne veut plus imprimer Franc-Tireur parce qu'il a l'idée de créer son propre mouvement de résistance à Lyon avec d'autres, qui sera le coq enchaîné. Donc, alors c'est marrant, après-guerre, on voit le patron de Franc-Tireur qui dit « Oh, Chevalier du Noir, là, ils étaient trop anticléricalistes, ils ne voulaient plus imprimer Franc-Tireur. » Et puis il y a du Noir qui dit « Oh, Lévy, il était anticommuniste, alors on n'a plus voulu travailler avec lui. » Et puis voilà, il se sépare. Il trouve d'autres imprimeurs, le mouvement Franc-Tireur, et puis du Noir Chevalier et d'autres fondent le mouvement Coq Enchaîné, qui va aussi sortir un journal. On dit que c'est le Coq Enchaîné à coloration entre guillemets maçonnique. 7 membres du comité directeur sur 10 sont francs-maçons. Donc il y a Chevalier, du Noir, Jean Fousseret, il semble, SFIO. Il y a Louis Pradel aussi, qui n'est pas franc-maçon, mais futur maire de Lyon, mais proche de nombreux francs-maçons. Donc ils font le coq enchaîné. C'est pareil, le travail, le stockage de journaux, le stockage d'armes est fait chez Jutard, au café. Alors, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire qu'à un moment, comme Jutard est fiché par le service des sociétés secrètes, il y a un groupuscule à Lyon qui est issu du PPF, Parti populaire français de Jacques Doriot, qui se sert de ce fichage pour essayer de persécuter, voire si possible d'assassiner quelques francs-maçons. Il y en a une trentaine comme ça qui vont être assassinés par ce groupuscule, le MNAT, MNAT, Mouvement National Antiterroriste, qui est dirigé par Francis André, dit gueule tordue. Il avait eu un petit problème facial quand il était jeune. La voiture de ses parents était un peu passée dessus et ça a créé une déformation faciale. Son problème, c'est qu'après-guerre, il était vite reconnu par les gens qu'il avait torturés ou autres. C'est que les gens disaient qu'il avait la tête déformée. Donc il n'a pas pu échapper aux nombreuses... Voilà, bon, on lui doit quand même environ 200 crimes en un an et demi. Alors, lui et ses collègues, 200 crimes, il était tellement efficace qu'il a été intégré à la Gestapo à Lyon, à la 4e section du CPOSD. Hasard ou coïncidence, au-dessus de la brasserie Jutard, a été hébergé Jean Moulin. Il avait loué un appartement au premier étage, alors que la brasserie est au rez-de-chaussée. Oui, il me semble que c'est au premier étage. Il y a une plaque qui a été apposée il n'y a pas très longtemps. Alors c'est assez surprenant, puisqu'on peut se dire que Jean Moulin fréquentait le lieu. Et pourtant, le coq enchaîné a toujours refusé d'appartenir à ce que Jean Moulin est venu faire, c'est-à-dire réunir ce qui est par les mouvements de résistance, franc-tireur, libération, combat. Jean Moulin était là pour réunir tout ça, mais le coq enchaîné a voulu rester indépendant. Alors c'est un peu étonnant quand même que Jean Moulin, qui était proche de nombreux francs-maçons, sans doute par son père qui était radical socialiste et franc-maçon, mais lui-même a priori il n'était pas franc-maçon, mais son père lui a peut-être donné des connexions avec les francs-maçons. Je terminerai par un lieu, je vais le temps. Oui, alors je terminerai par un lieu alors assez étonnant sur lequel je travaille actuellement, le veilleur de pierre. Donc je vais faire de manière un peu antichronologique mon propos. Ce monument, le veilleur de pierre, a été érigé en 48, œuvre de Salandre, connu à Lyon, place Bellecour. Pourquoi il y a ce monument-là? C'est qu'en fait... Le 27 juillet 1944, il y a eu un événement tragique qui a été là. Il y a 5 résistants qui ont été assassinés devant, extraits de la prison Montluc, assassinés. Il y a Albert Chambonnet, chef régional des forces françaises de l'intérieur, Francis Chira, membre de la jeunesse ouvrière chrétienne, Gilbert Dru, responsable de la jeunesse étudiante chrétienne, Léon Pfeffer, juif membre de Carmagnol, du bataillon Carmagnol, un mouvement FTP, MOI, à tendance communiste, René Bernard. Alors, il y en a qui voient, alors Chambonnet est franc-maçon, il y a des chrétiens, il y a juifs, il y a des communistes. Alors, il y en a qui voient un spectre un petit peu de la résistance. Quoi. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y en a qui ont vu ça. Pourquoi ils ont été assassinés là? Alors, je vous montre une photo un petit peu difficile. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement été assassinés, mais leurs corps, de manière tragique, ont été pendant toute la journée exposés au soleil devant les passants pour montrer sans doute l'exemple. Je préfère vous montrer ce dessin lié au livre de Kersis. Ce qui est assez étonnant, alors pourquoi il y a eu ces corps exposés, c'est que la veille, donc, il y a eu une explosion dans ce café, qui était en fait, c'était un café, on dit que c'était le café de la Gestapo, le café des Allemands qui occupaient ce lieu depuis leur arrivée en novembre 1942, ils occupaient ce lieu. Et alors, Ça, c'est la. Chaque année, il y a des commémorations à ce monument. Mais ça, c'est un peu la mémoire officielle. Et j'ai appris, donc il y a assez récemment, une autre histoire de ce lieu. C'est un peu un scoop, peut-être, je ne sais pas si les spécialistes connaissent cette histoire. C'est que il y a quelques années, il y a un monsieur de l'étranger qui me contacte et qui me dit mon père travaillait dans ce restaurant, il travaillait pour Klaus Barbie. Mais il était aussi résistant. Alors je suis un peu dubitatif quand même. Seulement, ce monsieur m'a commencé à me transmettre des archives. Bon, c'est son papa, ici, Nicolas Brilly, qu'on appelle aussi Yves Lemoine. On transmet des photos, c'est intéressant, des photos de l'époque. Hein. C'est assez rare. Alors, on peut les dater puisqu'il y a un programme de théâtre dessus. Et il me dit, mon papa était résistant et j'ai des attestations. Il était quand même dans la section anti-juive de la Gestapo. Enfin mais il y a Louis Salomon, un nom un peu caractéristique, qui dit, bah, le moine m'a aidé à sortir des griffes de la Gestapo. Et alors forcément, comme ce restaurant était considéré comme un restaurant de la Gestapo, les patrons, à la libération, bah, on a essayé de les retrouver pour les lyncher. Et ils se sont échappés en Savoie, où ils avaient de la famille. Il s'appelle Jean Berthier. Et Jean Berthier a un procès au fond 394 des archives départementales, parce qu'il a subi l'épuration. Sauf que dans son dossier, il y a plein de résistants qui disent bah, Jean Berthier était agent de renseignement. Comme Brilly, le moine, alors lui, je le soupçonne plutôt d'être agent double, quand même, mais voilà, et alors, il donne les preuves, il donne les noms, il y a des capitaines, etc., qui étaient en 40 au deuxième bureau, hein, militaires, dans le renseignement, et puis, quand les Allemands sont revenus, bah, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé, ils avaient ce lieu, le 10 place Bellecour, Moulin à Vent, qui leur servait de lieu de réunion. Bah, quand les Allemands sont arrivés, ont réquisitionné le lieu, bah, ils sont installés au-dessus, à l'étage, et ils ont espionné les Allemands. Donc c'est une histoire qui est complètement hallucinante, en fait, complètement inconnue, puisque la mémoire collective a effacé cette réalité. Voilà, alors là, hier ou avant-hier, comme je me suis replongé dans l'histoire, et dans Berthier, il y a beaucoup de choses dans le procès 394W. Il parle des différents officiers qui viennent le voir du deuxième bureau. Il y a par exemple un dénommé Missoff. Et j'ai retrouvé la fille de Missoff. Donc j'explore cette piste-là. Bon, on pourrait en dire beaucoup, mais je vais m'arrêter puisqu'on me montre un mot me disant qu'il faut conclure. Alors c'était pour vous montrer en fait que ces lieux sont un peu particuliers, c'est-à-dire qu'il y a des cafés vraiment avec une dimension idéologique politique où je pense que chez Jutard, radical socialiste et franc-maçon, il y a assez peu de chrétiens qui viennent boire un verre dans ce café, même s'il peut en avoir. Donc, il y a des cafés à dimension politique, il y a des cafés où tout le monde se retrouve, il y a des cafés plutôt réservés aux Allemands et aux collabos. Il y a des cafés où les Allemands et les collabos et les résistants se croisent, en le sachant ou en le sachant pas. Mais dans tous ces cafés, il peut aussi y avoir des agents doubles, des espions, etc. Et donc, il y avait des imprudences et des dangers permanents. Autrement dit, les premiers pas de la résistance, de la collaboration, et puis même la suite, la résistance et la collaboration, ce sont surtout des réseaux de sociabilité qui s'entrechoquent et s'entrecroisent. Notamment à l'intérieur de ces cafés et restaurants. Je vous remercie.